obligé d'apporter à vos pieds cette épée. Quoi? Du sang de Rodrigue encore, toute trempée. Perfide! Oses-tu bien te montrer religieux pendant la hauteur de la lumière? Éclate, mon amour! Tu n'as plus rien à craindre. Mon père est satisfait. Cesse de te contraindre un même coup. A mis ma gloire en sûreté, mon âme au désespoir, ma flamme en liberté. Je suis plus raciste. Tu me parles encore, exécrable assassin d'un héros que j'adore. Va, tu as pris en trait. Un guerrier si vaillant n'eût jamais succombé sous un tel assaillant. N'espère rien de moi. Tu ne m'as point servi. En croyant me venger, tu m'as ôté la vie. Étrange impression qui, loin de m'écouter. Et de sa mort, je t'écoute vanter. Que je l'entende à loisir, avec quelle insolence. Tu prendras son malheur. Mon crime est un vaillant.